C'était économiquement parlant, profitable. À nous les gens, avec des petits moineaux dans les champs, ils les laissaient manger aux herbes tout le temps, et les regardaient voler, et les moineaux ici. Ça gaillard, il appela son peuple, mais lui ne suivait pas, car pour ces gens-là, le moineau est synonyme de pureté, d'envol et de gloire. Alors le roi Ursula est parti tout seul, voler autour des petits moineaux, en leur faisant croire que c'est toujours eux les superstars. Les prit un à un. Il les mit dans un sac et les enferma tous dans les douves du château, où il faisait sombre, lugubre et gloutonnant. Les moineaux avaient peur, mais c'est alors qu'arriva un homme bien plus grand qu'Ursula, qui s'appelait qu'Ursula. Alors, ils se sont rassemblés en un grand colloque où tous les moineaux et habitants du village de la contrée éloignée étaient là. Et pour finir, ils ont décidé de libérer Ursula. Alors, Ursula est sortie des douves. Il a pleuré, ouais, il a pleuré. Il n'en pouvait plus. Il s'est mis à genoux. Il a déposé sa couronne.